aujourd'hui j'ai bonne mine. Changer les canines. Je suis sous power. Tu veux me mettre la guine. Elle est pas tranquille que elle veut que je la pine. Je veux pour maman une île. Là peut-être j'serai plus tranquille. Oh mamma mia, vas-y danse ou mia. J'ai Walou, j'ai nada. Regarde autour de moi. Gros, rien ne changera. Si demain j'ai plié, surtout ne change pas. Y'a trop de mauvais, mon âme. Minocante, trafiquante, braco conde, pote me noté, chevaux quente, mise au côté, défend rente, m'golo conde. J'ai les canines, va falloir sortir les métaux. Elle est câline, mais je vais lui faire prendre le métro. Elle fait la maline, elle m'a pisté dans le rétro. Il fait la machine, mais lui rien qui glisse dans le bain. Ils m'ont fatigué. Fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatig